Seigneur, à nous la puissance, par son bras puissant, à nous la force, la joie du Seigneur, à nous la puissance, par son bras puissant, faisons monter, monter, parfum de louange. Je vais dire à quelqu'un, cette année, Dieu va te surprendre. Tu vas expérimenter des grâces de Dieu qui vont toi-même t'étonner. Mais reste fidèle et attaché au Seigneur. Toutes les offrandes que tu as faites à Dieu, il s'en est souvenu. Réveille-toi mon frère, réveille-toi ma sœur, réveille ton mari, réveille ta femme. Nous allons prier. Nous sommes à notre espace de prière, OSB, opération sur la brèche. Nous allons lire Deutéronome chapitre 28, verset 1 à 6. Chaque matin je me lève, je prie avec OSP. Chaque matin moi je prie, je prie avec OSP. Notre passage du jour, c'est Deutéronome 28, 1 à 6. Si tu obéis à la voix de l'Éternel ton Dieu, en observant et en mettant en pratique tous ses commandements que je t'ai prescrits aujourd'hui, l'Éternel ton Dieu te donnera la supériorité sur toutes les nations de la terre. Voici toutes les bénédictions qui se répandront sur toi et qui seront ton partage lorsque tu obéiras à la voix de l'Éternel, ton Dieu. Tu seras béni dans la ville et tu seras béni dans les champs. Les fruits de tes troupeaux, les portées de ton gros et de ton menu bétail, toutes ces choses seront bénies. Ta corbeille et ta huche seront bénies. Tu seras béni à ton arrivée et tu seras béni à ton départ. Amen. Je voudrais partager quatre éléments importants qui sont des bénédictions que Dieu nous promet. Dieu te promet cette année, mon frère, si tu obéis à la voix de l'Éternel, ces bénédictions sont conditionnelles. Si tu marches dans l'obéissance, voici quatre choses que Dieu promet. Premièrement, Dieu promet la supériorité. Vous voyez, à Israël, il dit, si tu obéis à la voix de l'Éternel, ton Dieu, en observant ses commandements, Dieu te donnera la supériorité sur toutes les nations de la terre. Quand Dieu te donne la supériorité, cette supériorité se manifeste d'abord sur le plan spirituel. C'est-à-dire, tu auras un esprit supérieur, comme au temps de Daniel. Daniel avait un esprit supérieur. Quand les mystiques qui étaient autour du roi le combattaient, ils ne pouvaient le vaincre parce qu'il avait un esprit supérieur. Tu auras la supériorité sur ceux qui pratiquent le mysticisme, l'occultisme, sur ceux qui font la sorcellerie. Tu auras la supériorité. Ils te feront la guerre, mais ils ne te vaincront pas. Tu auras la supériorité aussi sur les plans matériels et financiers. Oui, c'est ça aussi, avoir un esprit supérieur. Si tu marches dans l'obéissance, tu seras un homme influent, une femme influente. Tu ne seras pas en bas, mais le Seigneur va te positionner parce que tu seras supérieur aux autres. Deuxième bénédiction, Dieu promet de bénir nos entrailles. Ici, nos entrailles, il y en a trois types d'entrailles. Dieu promet de bénir le fruit de nos entrailles, le fruit de notre sol et de notre bétail. Vous voyez, il dit au verset 4, « Les fruits de tes entrailles, les fruits de ton sol, les fruits de tes troupeaux, les portées de ton gros et de ton menu bétail, toutes ces choses seront bénies. » Quand on parle de fruits des entrailles, ça veut dire que si tu n'as pas d'enfant, Dieu va te donner la fécondité. Je prophétise dans la vie d'une femme. Femme, ça fait des années que tu es mariée, tu n'as pas d'enfant. Je déclare ton enfantement. Et la main de l'ennemi qui bloquait ton enfantement est brisée au nom de Jésus-Christ. Saisis ces garçons que Dieu te donne et tu témoigneras que Dieu est fidèle au nom de Jésus. Et les fruits de tes entrailles, c'est-à-dire les enfants que Dieu te donne, seront bénis. Ces enfants sont un héritage de l'Éternel. Tes enfants ne seront pas des délinquants. Ce seront des enfants bénis qui vont se distinguer dans leur école. Ils vont réussir dans leur examen. Il dit, les fruits de tes entrailles sera béni. Je vais déclarer, il y a une maman, ça fait longtemps que tu pries pour le mariage de ta fille. Cette année, je prophétise le mariage de ta fille au nom de Jésus-Christ. Tu vas te réjouir. Le Seigneur a vu tes pleurs. Le Seigneur va te consoler à travers le mariage de ta fille. Quand il dit, les fruits de ton sol sera béni, ça veut dire que nous devons apprendre à faire des chants. Regardez, les grandes puissances sont bénies à partir de l'agriculture. Oui, le fruit de ton champ sera béni. Si tu cultives le café, tu cultives le cacao, cette année tu feras une récolte abondante au nom de Jésus. Si tu cultives le manioc, tu cultives l'anacarde, tu cultives l'éveillé, tu cultives n'importe quelle autre récolte, tu cultives la banane, cette année je prophétise que tu vas faire une moisson abondante parce que le Seigneur te dit le fruit de ton sol sera béni au nom de Jésus-Christ. Il dit, les fruits de ton bétail. Si tu fais l'élevage, tu fais par exemple l'élevage de poulet, l'élevage de lapin, l'élevage de n'importe quelle autre volaille, tu fais l'élevage de porc, je déclare la bénédiction au nom de Jésus-Christ. Je vais dire à quelqu'un, peut-être que l'année écoulée, tu n'as pas fait les fruits de ton troupeau ne t'a pas donné parce que tu n'avais pas de bons gestionnaires. Cette année, que Dieu t'aide à organiser, tu vas changer de gestionnaire. Il faut prendre quelqu'un qui est sage, qui va gérer tes biens. Et je prophétise que les fruits de ton bétail sera béni au nom de Jésus de Nazareth. Mais quand Dieu te bénira, n'oublie pas sa part. N'oublie pas de soutenir son œuvre. Parce que c'est lui qui va faire en sorte que ce que tu vas faire sera béni au nom de Jésus-Christ. Troisième bénédiction que Dieu promet. Il promet de bénir notre corbeille et notre huche. Voyez au verset 5 qui dit, ta corbeille et ta huche seront bénies. La corbeille et la huche, ce sont des objets qui sont utilisés pour garder la nourriture. C'est dans la corbeille, dans la huche qu'on garde par exemple les provisions, on garde le pain, on garde les fruits, on range tout ce qui est utilisé pour la cuisine. Ça veut dire que dans ta maison, il y aura toujours abondance. Tu ne manqueras pas de nourriture. Si l'année écoulée, tu étais toujours dans le manque, dans ta maison, il y aura toujours suffisamment à manger cette année. Et quand même les gens viendront, ils trouveront à manger au nom de Jésus-Christ. Tu ne seras plus dans la misère. Cette année, le Seigneur te promet l'abondance. Il y aura toujours à manger. Il y aura toujours des fruits dans ton réfrigérateur, dans ta corbeille, dans ta huche. Tu auras toutes sortes de choses que tu vas manger au nom de Jésus de Nazareth. Le Seigneur va restaurer ta santé. Le Seigneur va t'apprendre à manger de manière bio, de manière équilibrée, parce que ta corbeille et ta huche seront bénies. Quatrième bénédiction. Dieu dit, tu seras béni pendant le voyage. Parce que quand Dieu dit au verset 6, tu seras béni à ton arrivée, tu seras béni à ton départ. Ça veut dire que cette année, il y a des voyages. Je vais dire à quelqu'un, cette année, tu feras des voyages en France. Peut-être que ce sera pour toi la première fois. N'aie pas peur, parce que le Seigneur va te transporter dans une autre dimension. Il faut penser à aller en vacances. Dieu veut t'envoyer dans une autre dimension. Je vais dire à quelqu'un, cette année, Dieu t'a béni. Il faut que tu donnes à ton épouse un voyage. Et quand vous voyagerez, vous reviendrez avec beaucoup de bénédictions. Je vais dire à un homme d'affaires, tu es frère, le Seigneur va t'ouvrir des marchés à l'extérieur du pays. Tu vas commencer à faire des voyages en France, des voyages en Italie, des voyages aux États-Unis, des voyages à Dubaï, des voyages en Chine, parce que Dieu te donne les clés maintenant des voyages d'affaires. Et il dit, tu seras béni à ton arrivée et tu seras béni à ton départ. Donc tu auras des départs et des arrivées, parce que Dieu te destine à être un homme qui sera toujours dans les deux avions, une femme qui sera toujours dans les deux avions. N'aie pas peur des visas. Quand Dieu approuve tes voies, il va disposer favorablement les ambassades au nom de Jésus de Nazareth. Dieu t'appelle maintenant à une nouvelle dimension. Tu vas voir maintenant grand. Tu vas voir en dehors de la Côte d'Ivoire. Ne te limite plus seulement en Côte d'Ivoire, parce que Dieu veut maintenant t'amener dans une dimension internationale. Oh, que le nom du Seigneur soit béni. Que le nom du Seigneur soit élevé. Que le nom du Seigneur soit glorifié. Mais il te dit, ce que tu dois faire, c'est de marcher dans l'obéissance. Si tu obéis à ma voix, Laisse tomber ce que tu faisais dans le passé. Laisse tomber les mensonges. Laisse tomber les magouilles. Laisse tomber les maîtresses. Sois fidèle à ton époux. Sois fidèle à ton épouse. Marche avec le Seigneur. Apprends à donner ta dîme, tes offrandes au Seigneur. Quand Dieu te bénit, si tu obéis, tu verras toutes ces choses s'accomplir cette année au nom de Jésus. Que le nom du Seigneur soit béni. Nous allons élever nos voix. Chantons ce cantique. Yes, way. Alléluia. Notre Dieu est merveilleux. Notre Dieu est fidèle. Notre Dieu est digne de recevoir gloire, honneur, louange, puissance. Élevons nos voix et bénissons son saint nom pour toutes ses promesses. Amen. Nous sommes à notre émission de prière OSB, acronyme qui veut dire Opération sur la brèche. Au microphone, votre serviteur révérend Dieudonné Ngoumbi. Toute l'équipe OSB ici à Abidjan, à la radiofréquence, vous salue chaleureusement. Où que vous soyez, vous qui recevez OSB par WhatsApp, veuillez partager avec des enfants, avec des amis, avec les membres des familles, partout où ils sont, s'ils sont connectés sur Internet, afin qu'eux aussi puissent bénéficier des faveurs que vous recevez tous les jours. Que Dieu vous bénisse. Nous rappelons le passage du jour, c'est Deutéronome chapitre 28, versets 1 à 6. Nous venons de voir que Dieu promet beaucoup de bénédictions cette année si nous marchons dans l'obéissance à ce commandement. Nous allons d'abord prier pour la supériorité. Dieu dit, il va te donner la supériorité. Tu vas être supérieur au-dessus. Si dans ta famille, il y avait toujours mort d'homme, la sorcellerie était en train de faire des ravages, la sirène des eaux, les esprits de mari de nuit, de femme de nuit. Cette année, Dieu te dit, va te donner la supériorité. C'est toi qui vas maintenant les écraser dans le nom de Jésus. Tout ce qui fatiguait ta vie, tout ce qui fatiguait ta famille, qui bloquait ta vie, Dieu te dit, je te donne maintenant la supériorité au nom de Jésus. Tu vas prier, tu vas proclamer cette promesse au nom de Jésus. Prions le Seigneur. Tendre Père, toi qui disposes de toutes choses, toi qui nous les donnes chaque jour, ce matin, nous te demandons, Père, de recevoir notre prière de reconnaissance, de recevoir notre prière d'action, parce que tu es Dieu d'éternité en éternité. Nous prions au Père éternel et nous réclamons notre portion, notre part de bénédiction. Nous demandons, Père éternel, comme tu l'as promis dans ta parole, que tu nous donnes la supériorité sur nos ennemis, que tu nous donnes la main haute sur nos adversaires, que tu fasses en sorte que nous puissions exceller dans tout ce que nous entreprenons. Dans le nom de Jésus, merci pour cette grâce que tu nous donnes, pour cette sécurité que tu nous donnes, parce que nous sommes plus que vainqueurs en Jésus-Christ. Ô Dieu, lève-toi en notre faveur et que nos ennemis soient dispersés. Lève-toi en notre faveur afin que nous puissions prendre le dessus sur tous ceux qui s'opposent à nous. Nous prions dans le nom de Jésus et nous déclarons que ta grâce dans nos vies nous permettra de marcher sur les serpents et les scorpions. Que ta grâce dans nos vies nous permettra d'annoncer la bonne nouvelle, de contribuer à l'avancement de ton œuvre et qu'aucun obstacle, qu'aucun blocage, qu'aucune obstruction ne pourra nous empêcher d'aller vers notre destinée prophétique. Merci Père pour tout ce que tu fais pour nous. C'est au nom de ton Fils Jésus-Christ que nous avons prié avec action de grâce. Amen. Amen. Nous venons de voir aussi que Dieu promet de pouvoir nous bénir, de bénir les fruits de nos entrailles, nos enfants, de nous donner l'enfantement, les fruits de notre sol, les fruits de notre bétail. Toutes ces choses seront bénies dans le nom de Jésus-Christ. Je vais demander à un couple, ça fait longtemps que vous n'avez pas d'enfant, saisissez votre mari ou votre femme par la main, maintenant même, au nom de Jésus-Christ. Et pendant que je parle, il y a une grâce de Dieu qui se répand sur vous. Il y a une onction de Dieu qui se répand sur vous. Il y a une puissance divine qui se répand sur vous. Croyez que vous recevez maintenant, au nom de Jésus-Christ. Nous allons prier pour toutes ces femmes qui cherchent d'enfants, au nom de Jésus. Que le miracle divin se manifeste dans leur vie. Nous allons prier en même temps pour les fruits de notre sol, pour les fruits de nos bétails, tout ce que nous faisons, que cela prospère. Prions le Seigneur. Le Dieu de toute grâce, le Dieu qui bénit, et personne ne peut annuler la bénédiction de l'Éternel. Tu nous annonces ce matin que tu bénis tout ce que nous allons toucher à faire. Tu bénis nos entrailles, tu bénis nos récoltes, tu bénis le fruit de toutes nos activités. Et ce matin, je voudrais proclamer cette bénédiction de l'enfantement dans la vie de ce couple. Au nom de Jésus-Christ de Nazareth, par l'onction du Saint-Esprit, je libère sur tous les couples qui espèrent un enfant la grâce de féconder ce mois-même. Au nom de Jésus-Christ de Nazareth, j'appelle à l'existence le mari à revenir à la maison. Au nom de Jésus-Christ, j'appelle cette rencontre maritale. Au nom de Jésus-Christ de Nazareth, Père, ce matin, nous déclarons que nous sommes bénis. À l'arrivée, nous sommes bénis. Au départ, nous sommes bénis. Et si tu es pour nous, qui sera contre nous? Ta parole dit que tu bénis toutes nos récoltes. Tu bénis nos greniers. Tu bénis nos activités, tu bénis nos ressources, tu bénis notre travail, tu bénis tout ce que nous avons à faire, même la radio Fréquence Vie cette année. Vois ta gloire. Merci Seigneur notre Dieu pour la manifestation de ta grâce de tout genre dans notre vie. Merci parce que l'espérance de quelqu'un vient au grand jour à partir de ce jour. Merci Père parce que tu es Dieu et tu le fais. Merci, nous avons foi et nous croyons que ce que tu as déclaré béni demeure béni. C'est en Jésus-Christ nous avons prié et rendu grâce. Amen. Amen. Nous allons prier par rapport au voyage. Oui, il y a peut-être des gens, ça fait longtemps, vous avez essayé de partir aux États-Unis, au Canada, mais on vous a refusé le visa. Mais cette année, le Seigneur a déjà débloqué ton visa. Tu iras et toi-même tu seras étonné parce que Dieu t'accorde la faveur. Il te dit tu seras béni pendant ton arrivée. Et tu seras béni à ton départ, tu seras béni à ton arrivée. Nous allons prier pour des frères et sœurs qui sont dans les affaires, afin que Dieu les amène dans une dimension internationale des affaires, au nom de Jésus-Christ, et que les portes s'ouvrent au nom de Jésus. Prions le Seigneur. Sur la brèche, la Merci Père éternel, nous te rendons grâce ce matin. Nous bénissons et nous magnifions ton Saint-Nom pour tous tes bienfaits. Nous disons merci Père éternel, parce que lorsqu'on tourne vers toi les regards, on est rayonnant de joie et le visage ne se couvre point de honte. Nous prions ce matin pour tous ceux qui ont des projets de voyage, pour tous ceux qui ont été refoulés plusieurs fois, dont les dossiers ont été rejetés parce qu'ils étaient incomplets. Nous demandons au Père éternel que tu manifestes ta grâce dans leur vie, afin qu'ils puissent constituer des dossiers de manière adéquate. Équipe tes fils et tes filles afin qu'ils puissent prospérer dans tout ce qu'ils entreprennent. Nous prions au Père pour les hommes d'affaires, pour les femmes d'affaires, pour tous ceux qui ont des projets. Nous demandons au Père éternel que ta grâce se manifeste dans leur vie afin que leurs projets prospèrent tant sur le plan national que sur le plan international. Tu équipes tes enfants, tu fortifies tes enfants, tu capacites tes enfants afin qu'ils puissent contribuer à l'avancement de ton œuvre, afin qu'ils puissent être tes ambassadeurs partout où ils se trouvent. Nous prions et nous déclarons que tout obstacle à la prospérité de tes enfants est ôté dans le nom puissant de Jésus. Que tout blocage, toute forme d'embûche placé par les ennemis pour saboter les enfants de Dieu, que ces embûches sont ôtées, ces blocages sont enlevés dans le nom puissant de Jésus. Que ton nom soit béni, que ton nom soit glorifié. C'est au nom de Jésus-Christ que nous avons prié. Amen. Amen. Que Dieu vous bénisse. C'était OSB. Au revoir. Nous espérons vous retrouver demain. À nous la force, la joie du Seigneur. La puissance par son bras puissant, à nous la force, la joie du Seigneur, à nous la puissance par son bras puissant.